putain. Chaque souffle devient destin. Un gémissement s'échappe en fièvre. Chaque mot brûle, chaque mot s'élève. Riders kill murmure dans mes chaînes. Sa voix rauque déchire mes veines. Nos deux voix s'unissent dans le noir. Chaque désir devient miroir. Feel the fever, taste the flame. Whisper slowly, say my name. Through the dark, hearts collide. Ride a skill right by my side. Burn a passion carved in skulls. Written in shadows hard. We are ride a skill eternal. And our voices burn the dark. Ton souffle me tient enchaîné. Des gémissements percent mes lèvres. Chaque note devient fièvre. Riders kill impose son pouvoir. Sa voix brute règne dans le noir. Nos murmures claquent dans l'air. Chaque désir éclate en lumière. Nos voix éclatent, nos corps s'enflamment. Chaque battement consume nos âmes. Sous la baisse, nos souffles s'élèvent. Taste the flame. Whisper slowly, say my name. Through the dark, hearts collide. Ride a skill right by my side. Born of passion, carved in scars. Written in shadows hard. S'enchaîne dans le secret. Chaque souffle franchit de l'interdit mur. Je cède au feu, je perds la raison. Chaque mot devient présent. Riders kill m'attache dans la nuit. Sa voix rauque m'envahit. Nos murmures vibrent dans les terres. Chaque gémissement fend la lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élancent. Chaque vibration devient jouissante. Sous les chaînes, la fièvre éclate. Riderskill règne brutal, opaque. Feel the fever. Taste the flame. Winston, show you soaring. Through the dark, hearts collide. Riderskill right by my side. Skill brûle dans mes veines. Un chant charnel, une douce chaîne. Rider skill. Rider skill. Rider skill. Rider skill.